donc un peu les filles. Allez, ouais. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne du RIG 90.7 de la bande FM et bienvenue pour cette nouvelle émission Johnny de A à Z, la 490e. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin 2022 et c'est un mercredi. Donc, qui dit premier mercredi du mois, dit évidemment Johnny Hallyday en live. Mais c'est le mois de juin. Alors, le mois de juin, je fais ce qui nous plaît aussi. Beaucoup de thématiques. Si cette semaine, on va retrouver Johnny Hallyday en live intro, mais la semaine prochaine, on retrouvera Johnny Hallyday live outro, ou sinon on parlera, ce sera pour plus tard, on parlera des trois albums qui vont sortir vendredi, là, le 3 juin. Ce sera le Johnny Circus, Fréjus 66 et Grenoble 1968. Et je devrais avoir aussi quelques personnalités qui vont parler sur cette réédition d'album, ou même carrément cette découverte, car le Fréjus 1966 est une pure découverte de Laurent Marsic de RTL. C'est ce qu'il m'a dit encore tout à l'heure. Et on va retrouver ça donc à partir du 3 juin. Donc je devrais avoir Laurent Marsic, je devrais avoir Xavier Perrault de Universal et peut-être aussi que je devrais avoir Sam Bernett qui avait participé au Johnny Circus en 1972 et aussi au Thunder Rock de 1984. Mais on parlera du Johnny Circus 72. Je suis donc très heureux de vous retrouver. Installez-vous, parlez-en encore autour de vous, que cette émission va durer plus de 2 heures. Oui, 2h30, 2h40, je sais pas trop. On va voir ça. Et donc le thème, ce sont ces Johnny Hallyday et les introductions. Je vais vous diffuser pratiquement toutes les chansons qui ont commencé un spectacle de Johnny Hallyday. Fréjus, par exemple, commençait par les monts près du ciel en principe. Et sur le Fréjus 66, le concert commencera par Car pour moi tu es la seule. Donc on ne l'écoutera pas, mais je vous préserve plein d'autres petites surprises, aussi bien des titres officiels que des titres bootlegs. On va retrouver ça tout au long de cette soirée. On va tout de suite commencer de l'année 1960 pour aller jusqu'à la fin en 2016 avec le Born Rocker Tour. On va retrouver Johnny Hallyday à Migennes. C'était le 16 avril 1960 et son titre d'ouverture c'était T'aimer follement. Voici Johnny Hallyday tout de suite sur l'antenne du RIG. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne écoute. Autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. Et de t'aimer follement, mon amour. De t'aimer follement, nuit et jour. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal. Je moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal. De t'aimer follement, mon amour. De t'aimer follement, nuit et jour. Je pense à chaque instant que tout peut m'arriver. Mais mon cœur ne peut changer, il sera toujours vraiment content. De t'aimer follement, mon amour. De t'aimer follement, nuit et jour. Un jour, si tu veux, on peut partir tous deux. Partir en se moquant de ceux qui enragent en nous voyant. Nous aimer follement, mon amour. Nous aimer follement, nuit et jour. Ah, que la vie est douce quand on est amoureux. Un rien vous rend heureux, le ciel est plus bleu et tout me pousse à t'aimer follement, mon amour. À t'aimer follement, nuit et jour. Mais quand tu n'es pas là, je pense encore à toi. Car je sais que tu reviendras et personne au monde ne m'empêchera. À t'aimer follement, mon amour. De t'aimer m'aimer et parle-moi nuit et jour. Ah! Je pense encore à toi, car je sais que tu reviendras, et personne au monde ne m'empêchera t'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement, nuit et jour. T'aimer follement, mon amour, de t'aimer follement, nuit et jour. Le premier concert de Johnny Hallyday à La Roche-Migène le 16 avril 1960. Puis vient l'été 1960 et Johnny change un petit peu son répertoire pour ses différents galas et commence par ce titre-là, Laisse les filles. Ma mère me dit régulièrement, si tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'obstiner. Laisse les filles. Donc un peu les filles. J'ai beau penser à ses conseils, à la fenêtre je m'émerveille. Et je regarde passer cette demoiselle pendant que ma mère fit plus belle. Laisse les filles. Oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements pour moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Avec ma mon hier au soir, devant du bas, on dansait avec la gaieté, lorsque ma mère s'est vaccinée. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements pour moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Laisse les filles, été 1960. Suivi après l'Alhambra 1960 avec Souvenir, Souvenir, le Palais des Sports du 21 février 61 avec Deux Piques Ma Môme. Et là, on le retrouve à l'Olympia avec le titre Je cherche une fille. Olympia 1961. Je n'ai aidé à l'Olympia le 21 septembre 1961. On le retrouve quelques mois plus tard. C'était à Lausanne le 4 avril 1962. Et apparemment, il commençait par ce petit medley très doux, très doux. Vous écoutez RIG, voici Johnny de A à Z. Un peu de tout et je me sens un peu perdu. Pourquoi cet amour qui m'a fait chanter? Pourquoi s'amuse-t-il à me faire pleurer? Mon septième ciel, chérie, oui, oui, c'est toi. Tu sèmes du paradis sur ma vie, sur mes pas, et je n'aime que toi. Mon septième ciel, c'est tes yeux dans lesquels je vois le monde en bleu. Mon septième ciel, je te le dois. Depuis bien longtemps déjà, mon septième ciel, chéri, c'est toi, oui, rien que toi, mon ami. J'ai laissé mon rêve s'envoler. Oh là là, ah chérie, ah pourquoi? Voici les titres d'ouverture de l'Olympia 1962. Laissez-nous twister. Voilà le bon temps pour nous qui avons 20 ans. Le bon temps c'est maintenant, et laissez-nous twister. Hey, sachez pas de vous moquer, mais arrêtez de nous blâmer. Nous dansons ce qui nous plaît, et laissez-nous twister. Oui, twister, twister, à notre tour de danser. Hey, twister, oui, twister, et laissez-nous twister. On ne vous reproche pas, le tango, le cha-cha. Mais continuez, ça va trop droit. Mais laissez-nous twister. À vous disiez de votre temps. Oh, la même chose à vos parents. Laissez battre notre sang. Et laissez-nous twister. Oui, twister, twister. À notre tour de danser. Hey, twister, oui, twister. Et laissez-nous twister. Alors venez avec nous, essayez de twister. Les jambes un peu écartées, vous commencez à balancer. Car vous n'êtes pas doué, mais vous aimez twister. Twister, twister, à notre tour de danser. Twister, ouais, twister, et laissez-nous twister. Let's twist. À notre tour de danser, hey, twister, oui, twister, et laissez-nous twister, et laissez-nous twister, et laissez-nous twister, twist. Et laissez-nous twister. Joe Haydé à l'Olympia 1962. On va le retrouver tout de suite à Amsterdam le 31 mars 1963. C'était un concert unique, mais voici la chanson de départ, Dis-moi oui. Nous sommes faits tous les deux pour nous aimer sur terre. Mais dis-moi oui, oui, oui. Allez-moi oui, oui, oui. Allez-moi oui, oui, oui. Dis-moi oui, oui, oui. Je t'apprendrai chaque jour. Ah oui, tout le mot l'amour. Que l'on peut se dire et redire chacun à son tour. De Daniel Genin, dirigé par Jacques Dangean, et la formation de Joey et le showman, Bruno Cocatrix a le plaisir de vous présenter Johnny! Johnny Hallyday, on le retrouve à l'Olympia 1964. Le titre d'ouverture de cet Olympia, tout le long de l'Olympia, c'était « Oh, cette nuit, such a night » d'Elvis Presley. Une nuit, c'était réellement une nuit. Mais le jour a a repris cet amour et la nuit aussi. Oui, je n'oublierai pas ces baisers donnés sous la lune. Je m'en rappelle qu'elle était belle. Ah, cette nuit, pour une nuit, c'était réellement une nuit. L'embrasser me faisait l'aimer. Et j'offre mon cœur car je voulais me rendre. J'étais si tendre pour me comprendre. À cette nuit, pour une nuit, c'était réellement une nuit. À l'embrasser, elle me faisait l'aimer. Elle n'est plus, non, non, elle n'est plus, non, non. Le jour s'est levé, l'amour envolé. Mais malgré le jour, je n'oublierai pas. Nous quittons l'année 1964 pour rejoindre la tournée d'été 1965. Voici le titre « Mais je reviens ». Et ce soir dans cette émission Johnny de A à Z, spéciale introduction. Voilà, si toutes les chansons d'ouverture des spectacles de Johnny. Presque toutes, presque toutes. Tournée d'été terminée, voici tout de suite l'Olympia de 1965. Le petit générique de Mizukorama. On va retrouver d'ici quelques secondes Johnny Hallyday à l'Olympia le 25 novembre 1965. Aujourd'hui, Musicorama monocéphale, une tête d'affiche, la vedette de la semaine, Johnny Hallyday. Sa rentrée est un événement pour le Music Hall, oui, comme Mathilde, Johnny est revenu, et les chœurs battent la chamade. Il y a déjà une belle ambiance, l'orchestre prélude, mais il n'a pas besoin de chauffer, nous ne sommes pas loin de bouillir. Johnny est entré dans un cercle de lumière, entré en douceur, il est en costume de ville bleu, aucun signe distinctif, il semble avoir pris le parti de la sobriété. La vie va commencer.

apprête à vivre. Oh oui, ouais, ça fait mal. Aujourd'hui je sais que l'on n'a rien sans lutter. Le prix de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qui vous crie bravo. Et puis ce qui voudrait vous voir un jour KO. Oh il est que, à quand il vous arrive. Oh oui, oui ça fait mal. Il est que, qui a peur à vivre. Oh oui, oui ça fait mal. Un coup de bonheur qui vient pour tout moment. Un coup d'espoir au milieu des tourments. Et plus vite on apprend à devenir quelqu'un qui se répand. Oh, il est cool, à genre de mon vivre. Les coups qui vous font mal au cœur. Les coups, à temps qu'ils vous arrivent. Oh oui, oui, ça fait mal. Les coups, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Les coups, oui, ça fait mal. On retrouve également le titre Les Coups hein, au Palais des Sports 1967 et la tournée qui suit jusqu'au printemps 68. Le titre suivant sera interprété à l'ouverture de tous les concerts depuis l'été 68, automne 68, en passant par la tournée 69 et fera la première partie, le premier titre du Palais des Sports 69, l'été 69 de la tournée. Tournée aussi hiver 70, été 70, automne 70, hiver 71. Oui, non, c'était hiver 70, pardon, été 71. En fait, quoi, bref, près pendant 3 ans, ce titre à tout casser fut la première partie, la première chanson d'ouverture des spectacles de Johnny Hallyday. Spectacle tourné. 3 ans, en tout cas, ça a été la chanson d'ouverture des spectacles de Johnny Hallyday. Une autre chanson qui a duré 3 ans en tête, première chanson de chaque spectacle de Johnny Hallyday, en passant par le Palais des Sports, de l'automne, automne, tournée d'automne 71, Tahiti en 72, Olympia 72, été 72, c'est-à-dire hein, le Johnny Circus, automne 72, le printemps 73, Olympia 73, tournée d'été 73, tournée du Brésil en début d'année de 74, le printemps 74, et pendant la moitié de la tournée d'été 74, on a eu droit à ce titre-là d'ouverture. Voici Je suis né dans la rue, Johnny Hallyday sur RIG, dans l'émission de Johnny de A à Z. Le tour de chant de la tournée 74 a été modifié, surtout pour l'été, et a été remplacé par ce titre, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voici la version de la radio diffusée à l'époque. Peut-être qu'on l'aura un jour en très très bonne qualité. Avec une version de plus de 8 minutes de Je t'aime, je t'aime, je t'aime sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Je t'aime, qui n'aura fait que la moitié d'un été. Et après, de la fin novembre 1974 à la tournée de printemps 1975, Johnny commence un petit peu à rôder son palais des sports de 1976 en intégrant en première partie des chansons des années 60, comme le cas de ce titre-là qui disparaîtra du palais des sports 76. Voici Souvenir, Souvenir qui ouvre le spectacle. Souvenir, souvenir. En effet, cette chanson Souvenir Souvenir ne fera pas long feu autour de cette tournée 1975, du moins tournée du printemps 75. Elle sera remplacée par ce titre-là, Dégage, jusqu'à la fin août 1975. Voici Dégage sur le thème de RIG dans l'émission Johnny de A Z, émission spéciale live introduction. Après 5 voire 3 années, hein, loin des scènes parisiennes, de la scène parisienne, Johnny Hallyday revient au Palais des Sports en 1976. La dernière fois c'était au Palais des Sports en 1971, même s'il a fait une petite apparition à l'Olympia en 1973. Le voici avec son medley, son show bien rodé, avec un titre d'introduction, That's the Wrong Run. Tu mets sa main. Le Johnny Hallyday Story, donc de Duran Duran, restera à la première place, après la chanson d'ouverture, jusqu'à la fin de la tournée 1977, fin septembre 77. On retrouve le titre maintenant, nous sommes en 1978, de janvier 78 à fin mai 78. Johnny interprète en premier titre, en ouverture de ses spectacles, Si tu me quittes. Présent tournée d'été, Johnny Hallyday ouvre son concert avec ce titre-là, Vaste Caché, mais le changera après, début août, par un autre titre qu'on écoutera à la suite. Et voilà, le 2 août, changement de programme. Ce n'est plus Va te cacher qui ouvre ce spectacle de la tournée d'été 78, mais bien ce titre-là, Johnny B. Goode. Jusqu'au 13 août, jusqu'à dernière date de le Palavas les Flots. En 1979, Johnny Hallyday commence un peu à réfléchir à son pavillon Porte de Pantin. Il commence par ce titre-là, Rock'n'Roll Man, qui donc sera le premier titre de ses tournées d'hiver 79 et de l'été 1979. Rock and roll man. Rock and roll man. Je suis un rock and roll man. Rock and roll man. Je chante Jenny. Johnny était sur le porte-avions Foch le 29 septembre 1979 et ouvrait son concert avec Rock'n'Roll Man. Nous sommes toujours en 1979, en octobre 1979. Johnny est au Palais de Paris jusqu'à la fin novembre. Puis après, ce titre a suivi. Johnny a balayé la France avec son show jusqu'à la fin de l'année 1980. Voici l'ange aux yeux de laser. Nous sommes à présent en 1981. Johnny entame sa tournée, la tournée, on va dire, d'hiver 81, soit 34 dates du 2 février au 23 mars. Johnny traverse la France, part en Belgique, fait une petite date au Luxembourg et on le retrouve. Il défend l'album en pièces détachées. Voici pour commencer Guerre. Johnny était venu de cuir pour ce concert de 1981 et en 1982, il remet ça avec une tournée d'hiver de 16 dates du 24 février au 21 mars. Il y défend son album Quelque part un aigle, dans lequel on va retrouver, il va chanter sur scène l'Hosto, la Caisse, Montpellier, mais il chante ce titre-là en ouverture de son spectacle, J'en ai marre, mais qui figure sur l'album Pas facile. Dernière nouvelle, où est-ce ton journal officiel? Je suis mort au moins trois fois, et je ne le savais pas. Il fallait m'inviter, je me suis fait un plaisir de venir pleurer. Comme je suis en pleine santé, je crois que j'ai dû ressusciter. Oui, il paraît que mes amours deux, trois petits tours, que six milliardaires ont fauché. Mais faut que j'en parle à mon banquier. Ça dépend des journaux, de si les et si gros pour un idiot. Je ne veux plus d'écriteaux sur ma tête, sur mon dos, sur ma peau. J'en ai marre que l'on invente ma vie. Me faire passer pour ce que je n'ai jamais été, de me ficher, de me cataloguer, et comme vous l'avez rêvé, je suis fou, je suis voyou, je suis drogué, je suis cinglé, choisissez. Je porte tous les chapeaux, ça dépend des télés, des radios. J'en ai marre que l'on invente ma vie. Maintenant, nous ne sommes pas dans un film de Ridley Scott ou de George Miller, mais au Palais des Sports de Paris pour le nouveau spectacle de Johnny Hallyday, une sorte d'opéra rock initialement titré Fantasme Hallyday. Après enflammer d'un geste de mutant, il nous livre ses fantasmes. C'est le titre Fantasme qu'on écoute tout de suite, et ce titre, il le portera en premier titre de chaque spectacle. Donc, du mois de septembre 82 jusqu'à la fin de la tournée de l'été 1983. We'll be right back. être fou. Je suis le peintre fou. Des motos au doux, du vautour au vaudou, la siffle d'une lame sur la joue. Fantasme du noir et du néant, aux yeux du survivant. Octobre jusqu'au 2 avril, c'est le titre Point Cœur qui ouvre le spectacle de Johnny Hallyday. On retrouve l'extrait au Zénith en 1984. En vrai live, s'il vous plaît. Malheur au vaincu, j'en ai. Johnny à Bercy. Et trois ans plus tard, on va le retrouver à... Non, c'était au Zénith, pardon. Là, on le retrouve à Bercy. Johnny se donne à Bercy pendant trois semaines à guichet fermé. Donc, du 15 septembre au 4 octobre 87. Puis après, entame la tournée d'automne-hiver. D'automne, du moins, du 9 septembre au 20 décembre 87. Reprend cette fameuse tournée, on va dire, oui, Johnny se donne à Bercy ou... On ne sait pas comment appeler cet album-là, hein, ce concert-là. Tournée d'hiver après du 21 janvier au 20 février 88 et la tournée d'été du 6 au 30 juillet 88 avec en titre d'ouverture Rock'n'Roll Attitude, extrait de l'album Rock'n'Roll Attitude, bien entendu. En 1990, Johnny retourne à Bercy et interprétera ce titre « Je suis né dans la rue » 19 ans après la première fois qu'il a interprété au Palais Sport en 1971. Là, on le retrouve en 1991, c'était à La Rochelle le 14 juillet. Il portera donc ce titre en ouverture jusqu'à la fin de l'été 91. Ça, le juin 1943, je suis né dans la rue, par une nuit d'orage. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue.

qu'on écoutera tout à l'heure, bien entendu. Et la chanson d'ouverture est ce fameux Voyage au pays du vivant. Johnny la chantera donc de ce Bercy-là, donc de septembre jusqu'au 19 décembre 1992. À présent, nous sommes en 1993, Johnny Hallyday fête ses 50 ans et il offre au public français une petite tournée d'été fort sympathique avec le spectacle Retiens ta nuit. Vous écoutez Érigé, l'émission Johnny de A à Z avec Live Intro. Celle qui serait mienne, mais comment faire pour guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette et passe une dans mon cœur. Dans la nuit je file tout seul de ville en ville. En 1994, Johnny déclarait « Après la tournée qui a suivi le Parc des Princes, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'avais planifié un tour du monde en bateau afin de me refaire une santé. Seulement, je suis tombé sur Chris Kimsey qui a su se montrer persuasif. Et au lieu de naviguer, j'ai enregistré Rough Town. » Johnny présente l'album Rough Town. Cette tournée d'octobre-novembre 94, 12 dates du 19 octobre au 14 novembre. Johnny est passé par Toulon, Lyon-Villeurbanne, Paris, bien sûr, Zurich, Munich, Amsterdam, Francfort, Bruxelles, Hambourg. Et interpréter ce titre-là. En ouverture de ce spectacle spécial album Rough Town, Can't Stop Wanting You. Johnny revient en 1995 à Bercy du 12 septembre au 1er octobre et traîne après le Laura Datour du 11 octobre au 25 août 1996. Et avec le titre d'ouverture, Gabriel, le voici à Nîmes, aux arènes de Nîmes, le 29 novembre 1995. Après cette tournée d'été 1996 du Laura Datour, le petit Elvis français décide d'amener donc des Français à Las Vegas le 24 novembre 1996 pour un seul one show shot. Et avec ce titre d'ouverture, je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs. Je pourrais dire qu'on n'a toujours pas trouvé mieux ailleurs. Déjà plus de 2 heures d'émission avec les introductions des concerts de Johnny Hallyday. Nous en avons encore quelques-uns, non pas à découvrir, mais à écouter. Tout au long de cette émission encore de Johnny de A à Z, qui va durer encore une bonne demi-heure encore. Bonsoir. Bienvenue à Las Vegas. Le train du soir. Ce concert de 1996, Johnny Hallyday veut l'oublier. Donc carrément, il a décidé que 1997, il décide donc de naviguer, de ne pas apparaître sur scène ni à Paris ni ailleurs. La seule exception, ce sera pour le concert des Enfoirés le 26 janvier 97 au Zénith. Mais en 1998, oublié Las Vegas, Johnny voulait inaugurer musicalement le Stade de France, encore vibrant de la victoire historique des Bleus, mais il s'est fait griller la politesse par les Rolling Stones et leur Bridges to Babylon Tour. Mais qu'à cela ne tienne, contre un concert unique des papis du rock, la star française propose de s'y produire 3 soirs d'affilée. Mieux, il va, selon l'accroche des affiches placardées dans la capitale et la chanson en forme de harangue à la foule, spécialement écrite par Zazie pour l'événement, et il va y allumer le feu. Mais c'est pas par ce titre Allumer le feu que Johnny va commencer, non, non, non. Ce sera par le titre La musique que j'aime. Le blues. Je le chante autant que je l'aime. Oui, je le chante toujours. Il y a longtemps sur les guitares, les mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu. Yeah! Vous allez bien? Très bien. Et vous? Et vous? Et vous? Et vous? Qu'est-ce que vous avez? La musique que j'aime a été le titre d'ouverture également de la tournée Johnny Allume le Feu du 2 octobre au 6 décembre. À présent, nous sommes à l'an 2000. La méga tournée 2000 du millénaire. Johnny interprète ce titre-là, Allumer le feu, du 2 juin au 31 août 2000, sur toute la France. Non, il a chanté en solo, uniquement cela en solo. Hein. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, je vous propose d'écouter, en gros, toutes les introductions des spectacles de Johnny Hallyday de 1960 jusqu'à 2016. Le sang. Hallyday à la Tour Eiffel le 10 juin de l'an 2000. Après, on trouvait Johnny Hallyday à l'Olympia. Mais c'était Je suis dans la rue qu'on a déjà écouté tout à l'heure, qui l'interprétait en titre d'ouverture. À présent, Johnny Hallyday fête ses 60 ans et sauf carrément la tournée des stades du 24 mai au 3 août avec Que je t'aime en ouverture. Il également, il interprétera ce titre dans la tournée Plus près de vous du 27 octobre au 21 décembre 2003. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur, puis des montagnes, des forêts. Après 2003, voici Johnny Hallyday en l'an 2006. Il ouvre son flashback tour au Palais des Sports le 2 juin 2006. Et après, traîne ce flashback tour sur les routes de France en deux étapes. Même en trois étapes, du 2 au 25 au 29 juillet. Après, on va le retrouver du 22 septembre au 17 décembre 2006. Et après, la troisième étape, du 13 janvier au 3 mars 2007. Et c'est avec ce titre, l'envie, qu'on retrouve Johnny Hallyday à présent.

J'aime la gueule. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Moi je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends beau. Souvent un seul regard suffit. Et quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Oui, t'as rien dit, tu l'as déjà dit. On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. Tournée suivante, tournée jamais seule au Born Rocker Tour du 24 avril 2012 au 26 juin 2014. La chanson d'ouverture était Allumer le feu, excepté pour quand Johnny a chanté à Bercy en 2014, le 14, 15 et 16. Le titre d'ouverture était Que je t'aime. Dans la période Born Rocker Tour, dans la tournée d'Amérique du Nord du 24 avril au 15 mai 2014, Johnny interprétait Je suis né dans la rue. On les écoutera pas, on les a déjà entendus au cours de cette émission. Là maintenant, attention. Tournée Restez vivant tour du 2 juillet 2015 au 21 juillet 2016. Le titre qui commençait cette tournée, c'était Restez vivant. On retrouve tout de suite Johnny Hallyday à Nîmes le 17 juillet 2016. Chef de cette émission, Johnny 2 à Z spéciale live introduction des concerts de Johnny Hallyday de 1960 à 2016. Je remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Bien entendu, on la retrouvera bientôt en podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, une nouvelle émission avec des interviews, comme j'ai pu vous en parler en début de cette émission. Et puis entre-temps, bonne nuit à tous, bonne fin de semaine, à très bientôt, profitez du soleil, hein, bronzé. À bientôt, ciao ciao.